إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrivé sur le sujet qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va clarifier ce qu'on a fait précédemment pour être plus explicite, pour être plus clair. Je dis que croire en Allah, l'iman billah, l'un des piliers de la foi, le premier pilier de la foi, l'iman billahi wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa l'yawm al-akhir wa an tu'min bil qadr khayrihi wa sharrihi. Non, le premier pilier de la foi. Donc croire en Allah, il comporte quatre choses finalement. Il comporte la croyance en son existence, l'iman bi wujudih, il existe. Et qui contredisent là-dessus? C'est les athées et les philosophes. Ils nient l'existence d'Allah. Preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme preuve qu'il faut croire en son existence, il dit Am khuliqou min ghayri shay'in am humul khaliqoun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien? Réponse. Ouais, c'est clair. Mais. Où sont-ils, eux, les créateurs? Ont-ils créé eux-mêmes? Non. D'accord. Et de toute façon, par prime nature, la personne y croit qu'il y a un créateur. Par la trace, on sait que quelqu'un a laissé une trace. Hein. D'accord. Donc, croire en son existence, la première chose. La deuxième chose, croire en sa seigneurie. Iman au birobo biyate. Que c'est lui le créateur, que c'est lui le gérant, que c'est lui le roi de l'univers. Et croire aussi, iman au bi uluhiyate. Croire qu'il mérite ce qu'on l'adore. Que c'est le seul qui mérite ce qu'on l'adore. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est clair. Croire, quatrième chose, c'est croire en ses noms et ses attributs. Il nous a informé de ses noms. Il a dit, moi, je suis comme ça. J'ai des noms, j'ai des attributs. Il faut croire en ses noms et ses attributs. À partir de quoi? À partir du Coran, qu'on doit recevoir l'information. D'accord? Donc, dans la croyance d'Allah, c'est la croyance en ses attributs. Les attributs d'Allah, ils font partie de quoi? De l'invisible. D'accord? Anna min al-iman billah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi. Croire en Allah, c'est croire en ce qui s'est attribué lui-même dans son livre, le Coran. Et c'est attribué. On ne peut pas connaître Allah qu'à partir du Coran. On ne peut pas le connaître par des analogies. Personne, aucun penseur ne peut dire Allah il est comme ça, d'où vient ça? D'où tu as ramené ça? De quel livre tu as ramené ça? De quelle pensée tu as ramené? De quelle imagination tu as ramené ça? D'accord? Donc seul Allah nous informe de lui-même. Donc croire en Allah, c'est croire aux attributs qu'il s'est attribué lui-même dans son livre, le Coran. Ça, c'est la première chose. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que les attributs d'Allah, ils font partie de quoi? Allah, il est quoi? Il est Ghaib, l'invisible. D'accord? C'est le Ghaib, on ne connaît pas, on ne le voit pas. D'accord? Donc, Les attributs d'Allah ils font partie de l'invisible, le ghaib. D'accord ? Donc le devoir de chaque personne envers ces choses qui sont invisibles, c'est d'y croire comme elle est, sans se référer à d'autres textes. Il est normal. Pour connaître Allah, on ne doit pas se référer à des idées d'un penseur. Il va dire que Allah il est comme ça, c'est une sorte de lumière, il est formé. Non, on ne peut pas. Donc, ils font partie de l'ghaïb, de l'invisible. On ne connaît pas l'invisible. Le cerveau humain ne peut pas atteindre l'invisible. Le cerveau humain ne peut concevoir que ce qui est matériel, que ce qu'on peut toucher, que ce qu'on peut mettre en laboratoire, que tout ce qui est, que tout ce qui peut être mis en équation. Allah il fait partie de l'invisible. Il est en dehors, ce que appellent certains, en dehors de la matière. Ma wara al-madda. Donc on ne peut pas le matérialiser. On ne peut pas le matérialiser. Donc le devoir de chaque personne envers ces choses invisibles, c'est d'y croire comme elle est sans se référer à d'autres textes. قال الإمام أحمد الإمام أحمد إلى ذي لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. الله la description d'Allah les attributs qu'Allah s'est attribué de lui-même. On lui attribue ce qui s'est attribué à partir du Coran et de la Sunna. On ne va pas devancer le Coran et la Sunna. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Oh, vous les croyants, ne devancez pas Allah et son prophète. Ne devancez pas. Il ne faut pas sortir une imagination, une idée sur Allah alors que tu n'as aucune référence. Le Coran et la Sunna. Parce que lui, il se connaît mieux que quiconque. Lui, il nous parle à partir du Coran qui est authentique. Et donc ça c'est une parole de l'imam Ahmed là-dessus. Preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voilà preuve, qu'on ne peut pas attribuer à Allah, qu'on ne peut pas lui donner des attributs qu'il ne s'est pas attribué lui-même. D'accord ? Preuve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, alhamdoulilah, de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, il est lié à shirk. Parce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, la suite, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Quelqu'un peut oser dire sur Allah ce qu'il ne sait pas, ça c'est grave, ça touche shirk. Il touche le shirk. Il n'a pas à imaginer est-ce que c'est une substance ou est-ce que c'est jawhar ou c'est arad ou substance qui est bien la substance, il est comme ça, il est... D'où est-ce que tu sors ça? D'où est-ce que tu sors? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, grand châtiment, on dit qu'il ne faut pas dire sur lui quelque chose qu'on connaît. D'accord? Il y a beaucoup de preuves dans le Coran. « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ قَالَ فَعَالَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Puisque tu seras interrogé sur tout ce que tu as dit, c'est tout ce que tu as entendu et de ce qui est dans ton cœur. D'accord ? Donc, si tu prononces quelque chose, tu dis sur Allah quelque chose que tu ne connais pas, tu seras jugé à cause de cette chose-là. Donc, il faut se contrôler. Il faut se contrôler et de ne pas dire sur Allah qu'on connaît. D'accord ? Déjà, nous, l'être humain, il peut cerner certaines choses. Il peut cerner certaines choses de la... Il peut cerner certaines choses de connaissance. Par exemple, les fruits du paradis. Tu peux les connaître, tu peux les cerner, tu peux dire par exemple que les oranges du paradis sont formées d'un colorant, de glucose, d'acide citrique. Tu peux dire ça? Tu peux mettre ça au laboratoire? Tu peux pas. Allah nous a parlé de fawakih, les fruits du paradis. on ne doit pas dire que c'est pareil que celle de la terre et tout, puis que la plante a donné des fruits, puis il y a l'échange avec le soleil, il y a l'ultraviolet, la photosynthèse, tout ce qui s'ensuit, la fruit est coupée, puis le fruit il est sorti à la saison de l'été. Et on reçoit le soleil, on est protégé par l'atmosphère et tout. Nous, on est lié à cette terre. Notre connaissance est liée à ce qui est matériel sur cette terre. D'accord? Donc Allah nous parle des fruits de l'au-delà. Allah nous a informé des fruits. Oui, ce sont des vrais fruits. Mais connaître leur nature. Allah, quand il parle de Roman, ils auront des vignes, mais tu vas dire que c'est des vignes, les raisins là, avec le diamètre bien précis, tu vas dire que c'est le même goût, c'est sucré, tu vas dire que non, tu ne peux pas le mettre au laboratoire, ça fait partie de l'invisible, et Allah nous a informé de ces raisins là, ce sont des vrais raisins, mais le cerveau ne peut pas les concevoir. Alors, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Aucun être là ne peut connaître, peut cerner ces choses-là. Puisqu'il ne peut pas cerner ces choses-là. Puisqu'il peut pas cerner lui-même. L'âme, il est en lui, il est déjà en lui. Il est en lui, l'âme. Il ne peut pas connaître cette âme. La nature, il peut la matérialiser. Il ne peut pas. Tous les médecins, tous les docteurs, tous les biologistes, les chimistes, tout tournaient autour d'une table pour matérialiser l'âme, il ne peut pas. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يتدمون على propos de l'âme الله يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتدمون على propos de l'âme dit que l'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne connaissez pas grand chose vous êtes pas vous pouvez vous êtes incapable وما أوتيتم من العلم إلا قليلا vous n'avez pas atteint un grand degré de connaissance. La personne ne peut pas cerner son âme de connaissance. Il ne peut pas connaître les fruits du paradis. Il ne peut pas les matérialiser comme elles sont. S'il ne peut pas, alors comment il ose dire sur Allah des choses qu'il ne connaît pas? Comment il ose dire qu'Allah il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça? Donc le défi est là. La raison est là. Il ne peut pas cerner son propre âme à lui. Comment il lève la tête contre le créateur de l'âme? Et de dire qu'il est une substance, qu'il n'est pas une substance, qu'il a bien une substance, qu'il est ça, qu'il est... D'où est-ce que tu l'as sorti ça? D'où est-ce que tu l'as sorti? Donc la seule source qu'on puisse ça, la seule source, la seule information, c'est de qui? De lui-même. Parce qu'il se connaît mieux qu'un quiconque. Et donc, il faut aussi une chose importante. Donc on doit attribuer à Allah, on ne doit pas lui attribuer ce qu'il ne sait pas attribuer lui-même. D'accord? Il ne sait pas donner un attribut, on ne doit pas lui donner cet attribut-là. D'accord? Ça au kéfir. Il s'est attribué certains attributs, il a dit moi je suis comme ça, je suis comme ça. On ne doit pas dépasser ça. On ne doit pas sortir de notre cerveau autre chose. D'accord? Et donc quatrièmement, wujub ijra an-nusus al-warida fil kitab wa sunnah ala zahiriha la nata'adda. Il est obligatoire qu'on doit se référer aux textes comme ils sont et on doit les expliquer comme ils sont, clairement, sans les devancer, sans les transgresser. D'accord? Le Coran, la Sunna, les sources pures, la Sunna authentique, ce qui est attribué à Allah là-dessus, on doit se consacrer à ça. On ne doit pas transgresser le Coran, la Sunna, on ne doit pas les dépasser dans autre chose. D'accord? Cinquièmement, ce qu'Allah s'est attribué, il s'est attribué des attributs bien précis. Les attributs de l'essence et les attributs, j'arrive pas à trouver la vraie traduction. Et les sifats d'at, ils sont formés de sifat ma'nawiya et sifat khabariya. C'est-à-dire les attributs de l'essence, les attributs, ce qu'on appelle les attributs de la signification, si vous voulez, c'est-à-dire comme la vie, la science, c'est des attributs qui sont propres à Allah. Par exemple, la science. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah il a été ignorant à une époque, puis il est? Non. Donc c'est une chose collée à lui. C'est un attribut qui appartient à lui de toute éternité. D'accord ? La vie, on peut dire ? Non, la vie par exemple pour l'être humain, c'est-à-dire il était formé de rien. Et puis après il va mourir, il va perdre la vie. Mais Allah, la vie, sa vie à lui, elle est de toute éternité. Il est toujours vivant, il est toujours connaisseur, il est toujours clairvoyant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle ces quatre dettes, c'est des attributs collés à lui. Et ces quatre dettes-là, ils sont divisés en deux, j'ai dit, ces dettes ma'nawiya, telles que la vie, la science, la connaissance, la clairvoyance, ça c'est des attributs qui sont de toute éternité. Et puis il y a les attributs de l'information. Allah nous a informé qu'il a deux mains. Allah, il a deux mains. Il a un visage, il a deux yeux, d'accord ? C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Mais est-ce que ces attributs-là, ils sont aussi collés à lui ? Il a été toujours, il avait toujours ses deux mains, il avait toujours ce visage, il avait toujours, c'est-à-dire des attributs à ses pères ou khabariya, d'accord ? C'est vrai que la division, il est un peu, l'explication, il est un peu dure, mais de toute façon, Allah, il a des attributs qu'on appelle les attributs de l'esprit. Telle que la science, telle que les deux mains, telle que les deux yeux, le visage, hein, le qadam, le pied aussi. C'est des attributs qui sont dans le Coran, et c'est propre à lui, et ces attributs qui sont de toute éternité. Mais il y a d'autres attributs, c'est les attributs de l'acte. Ah, il s'est élevé sur le trône. Ah. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Ça veut dire à un certain moment il s'est élevé, parce que avant il s'est pas élevé sur le trône, mais à un certain moment il a créé le trône et il s'est élevé sur lui. Il descend, mais il descend pas toujours. Il descend quand arrive le dernier tiers de la nuit. Il descend. Il vient le jour du jugement, c'est-à-dire il vient pas toujours. C'est-à-dire les attributs de l'acte ils sont dus à une raison bien précise. Sabab. Il va venir le jour du jugement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le jour du jugement, il y a les mécréants d'à côté, les musulmans, il va venir avec les anges. Hein ? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Hein ? هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ. يَأْتِي. Il vient. Sa venue là. Mais est-ce qu'il vient toujours ? Non. Contrairement aux attributs de l'essence. Qui sont la connaissance. Il est toujours connaisseur. Mais il s'est élevé sur le trône. Non, à un certain moment, il s'est élevé. D'accord ? C'est quand il a créé le trône, il s'est élevé sur le trône. D'accord ? Clair ? Sifat zatiya wa sifat fi'liya. Sifat fi'liya, les attributs de l'acte sont dus à sa volonté. Il a voulu venir, il a voulu descendre, il descend le dernier tiers. D'accord ? C'est lié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs de l'acte, sa venue ou sa descente, le fait de s'élever sur le trône, c'est dû à sa volonté. Mais les attributs de l'essence, ils sont toujours collés à lui. D'accord ? C'est très important. D'accord ? Ça va faire vibrer les Ash'ari et tous les innovateurs, mais c'est très important de connaître. Donc la raison, il ne rentre pas dans les noms et les attributs. Claire ? On l'a expliqué. Et il faut que je continue mon cours. Et donc. Ah ! Ouais. Ouais. C'est-à-dire aussi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la colère, l'étonnement, le fait de rire, de se réjouir, il se met en colère quand quoi ? Quand les gens ils désobéissent, quand les gens ils font de la mécréance, il se met en colère. D'accord ? Il se réjouit quand son esclave il se repent. Il y a un hadith. الله أشد فرحا بتوبة عبدي إذا رجع إليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله il se réjouit de repentir de son esclave. Donc il se réjouit quand son esclave il revient en lui. D'accord, c'est un attribut de l'acte. C'est pas fait à lire. Il est dû à une raison bien précise et Allah il a voulu. D'accord. C'est-à-dire, quand son esclave il vient vers lui en repentir, Allah il se réjouit. D'accord? C'est clair? La colère, l'étonnement, hein? Il a agréé les sahaba et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis en colère contre le coupable parce qu'ils ont combattu le prophète et parce qu'ils ont combattu ses alliés. D'accord? Donc, il se met en colère pour une raison précise, il s'étend pour une raison précise, il se réjouit pour une raison précise, il rit pour une raison précise. Il y a des hadiths là, textuellement, Allah il rit, Allah il s'étend, Allah il se met en colère. D'accord. Je vais continuer parce qu'à fur et à mesure, ça va être plus clair. J'ai dit, إن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في الكتاب. Croyance à Allah implique la croyance à ce qui s'est attribué lui-même dans le Coran. Et quoi encore? Et à ce que son prophète صلى الله عليه وسلم l'a attribué. C'est-à-dire dans quoi? Dans la sunna. La sunna, elle est formée de quoi? La sunna, c'est les paroles. C'est pas la sunna dans le terrain. C'est la sunna, la voix du prophète. La guidée du prophète, la voix, la grande voix, elle est formée de paroles, d'actes et de confirmations. Preuve par la parole. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la parole, il a parlé des attributs d'Allah. Il a dit par exemple dans un hadith, « Rabbuna Allahu alladhi fi as-sama' taqaddasa amruka fi as-sama' taqaddasa ismuka amruka fi as-sama' wal-ard. Rabbuna Allahu alladhi fi as-sama' taqaddasa ismuka amruka fi as-sama' wal-ard. Notre Seigneur qui est au ciel, sacré ton nom, ton ordre dans le ciel et dans la terre. » D'accord? Notre Seigneur qui est au ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est au ciel. Donc le prophète, il a attribué Allah subhanahu wa ta'ala un attribut qu'il est au-dessus des cieux. Il nous a fait connaître notre Seigneur, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Donc à partir de ce hadith, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut conclure qu'Allah, il est au-dessus des cieux. D'accord? Ça c'est la parole, un exemple de la parole. Un exemple de l'acte maintenant. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un acte. Qu'il a fait un acte qui montre par exemple un attribut d'Allah. Par exemple, j'ai la traduction là-dessus, inshallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hajjat al-Wada, quand il a fait le dernier pèlerinage, c'est-à-dire avant sa mort, hein, quelque temps avant sa mort. Et donc, ils étaient réunis, il y avait combien de personnes qui étaient réunies à cette époque, à ce moment-là? 140 000. Ah, là, il a... D'accord? C'est-à-dire le jour de Arafat, l'année du pèlerinage, de l'adieu du prophète, la majorité des compagnons étaient présents. La majorité était présente à cette époque. Environ 100 000 étaient... On fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au milieu de ce rassemblement historique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le dernier témoignage sur les peuples, sur sa communauté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que j'ai transmis le message? Ala hal ballaght. Hein? Ala hal ballaght. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les compagnons? Naam. Bala. Hein? Oui, ils ont répondu oui. Et il a répété. Ala hal ballaght, est-ce que j'ai transmis le message? Ils ont répondu oui. Ala hal ballaght, est-ce que j'ai transmis le message? Ils ont dit oui. Et à chaque fois, devant les 100 000 pèlerins, il lève le doigt vers le ciel. Et il dit, Allah soit témoin. Allahumma bashad. Ce doigt-là qui est élevé vers le ciel, devant les 100 000 sahaba, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il montre? Qu'il est au-dessus des cieux. Donc il a montré avec quoi? Avec l'acte. On a dit parole, on a dit acte. Maintenant qu'il est au-dessus des cieux, acte. D'accord? C'est un acte. On se demande comment vont dire les innovateurs devant ce doigt-là qui est élevé vers le ciel. Qu'est-ce qu'ils vont dire devant les 100 000 qui regardaient? Est-ce qu'il y a un des compagnons qui a dit, oh prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu le ressembles à cette créature, tu diriges le doigt vers le ciel, c'est quoi ça? Tu l'as mis dans un endroit. Il y a quelqu'un qui a protesté? Il y a un compagnon qui a dit, Mouchabé, ou ce qu'on accuse là, les salafis, on dit les assimilionistes, les Mouchabéa, hein, Nawatib, on leur colle n'importe quel titre. Maintenant, on les appelle les assimilionistes. On écrit ça dans des feuilles photocopiées, on distribue ça aux bourgeois, les salafis assimilionistes. Mouchabia, elle ressemble à Allah, ces créatures. Subhanallah. Ouais, il y a le wahhabite, il y a tout. Il y a beaucoup d'étiquettes. Durant toute l'histoire, les salafis, ceux qui ont suivi la bonne voie, ils étaient combattus soit par l'arme, soit par la langue, hein, des mots. Ça vient de la Mecque, ouais. Les wahhabites. Ouais, les wahhabites, tout ce qui s'ensuit, il y a toujours les étiquettes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé le doigt vers le ciel. Il a levé. Donc c'est un acte qui prouve qu'Allah il est au-dessus des cieux. D'accord? L'acte. La confirmation même. Alors la confirmation, elle est connue par le hadith rapporté par qui? Par Muslim, radiyallahu anhu. Muslim, il rapporte quoi? Que Muawiyah ibn Abi al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, c'est un grand hadith, mais nous on prend نأخذ الشاهد منه, c'est-à-dire on prend ce qui nous concerne. Que Muawiyah ibn Abi al-Hakam al-Sulami, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une de mes esclaves elle gardait le troupeau dans une des endroits de Uhud, de la montagne de Uhud, puis il est venu le loup, il a mangé une des bêtes qu'il gardait. C'est-à-dire je l'ai giblé, et puis j'ai voulu la franchir, c'est-à-dire la regretter pour corriger. Il a voulu la franchir. Hein? Et puis là, il est venu voir le professeur sallam, c'est une longue histoire. Il est venu voir le professeur sallam, et le professeur sallam, alors pour qu'elle soit franchie, cette esclave, il faut qu'elle soit croyante. Il faut qu'elle soit croyante pour être libérée, pour être affranchie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ramène-la. Il l'a ramenée et puis il lui a dit, man ana, c'est qui moi? Il a dit, toi tu es le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toi le prophète. Il a dit, aïn Allah, où est Allah? Ah, oulala, c'est une question très importante. Où est Allah? Aïn Allah? Ah, su'al yadulla ana. Aïn Allah? Qalat bis-sama. Il a dit, aux cieux. Une bergère, il a dit ça. Il est aux cieux. Ah, première question, qui suis-je? Qui est le prophète? Deuxième question, où est Allah? Il a dit, il est aux cieux. Qu'est-ce qu'il a demandé le prophète? Il a dit à Muawiyah ibn Abi al-Hakam al-Sulami, affranchis-la, libère-la, elle est une croyante. D'accord? Preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire où est Allah, c'est une sunna. D'accord? On peut le dire. Quand le prophète il dit, on peut le dire. D'accord? Puisque le maître, le meilleur des prophètes, il a dit ça. Donc on a le droit de dire où est Allah. On a la preuve, musulman. Va contester ça, va parer ce hadith dans Muslim. Le deuxième livre, le troisième livre est authentique. Le Coran, puis le Sahih al-Bukhari le plus authentique, et puis Muslim après. D'accord? Quand un hadith vient de l'imam Bukhari ou de Muslim, on s'accroche à ce hadith authentique. Il a dit, où est Allah? Il a dit, elle est au ciel, il a dit, libère. C'est quoi ça? C'est une confirmation. Il a répondu. Et le prophète, il a accepté la réponse comme elle est. D'accord? C'est une confirmation. Vous voulez un autre exemple sur la confirmation? C'est le moine ou l'homme du livre qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith finalement rapporté par l'imam Ahmed. Il rapporte d'après Abdullah ibn Omar qu'un homme des gens du livre, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Oh Abul Qasim ». Ya Abul Qasim, as-tu été informé qu'Allah le plus élevé met les créatures sur un doigt, les cieux sur un doigt, la terre sur un doigt, les arbres sur un doigt, le sable sur un doigt et les autres créatures sur un doigt, et il dit, je suis le roi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Dahika Rasulullah. Et quand le prophète il rit, ça veut dire quoi? Il confirme. Il approuve ce qu'a dit l'homme du livre, le moine, al-hibar, de l'oral arabia. Il a ri au point que ses molaires apparurent, en confirmation des paroles de l'homme, et ajouta, le prophète, il ajoute, en plus de la confirmation, il a dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste mesure, wa ma qadarullah haqqa qadarih. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر. C'est-à-dire, il a dit le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste mesure, وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ, c'est-à-dire la terre toute entière, elle est en sa poignée, وَالْسَمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِ, et avec sa bien-aimée, sa droite, les cieux et la terre sont pliés. Donc, وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ, c'est-à-dire la terre toute entière, c'est sous sa poignée. Et le qabda est une vraie, mais on ne peut pas dire que c'est pareil que la nôtre. On ne ressemble pas à Allah et à ses créatures. Mais le moine, là, quand il a dit Allah, il met Allah, oh Abel Qasim, as-tu été informé qu'Allah le plus élevé met les créatures sur un doigt, met le sable sur un doigt et tout. Ça veut dire qu'Allah, il a des doigts. Mais est-ce que ces doigts ressemblent à ceux des créatures? Non, ils ne ressemblent pas à ceux des, parce que nul ne ressemble à lui. D'accord? Il y a des gens qui disent, quand tu montres du doigt là, comme ça tu dis ce doigt là, ça veut dire que tu ressembles à Allah, à ses créatures. D'accord? Mais ça dépend, c'est-à-dire, est-ce que ces gens-là sont mieux? Ça dépend à qui tu t'adresses. Par exemple, si tu t'adresses à des gens qui sont incapables de concevoir certaines choses, tu ne vas pas leur montrer le doigt comme ça et tout. Parce qu'il est... Oui, alors qu'il est prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un verset, quand il a récité le verset du Coran, « Inna Allah ya'murukum an tu'addu l'amanati ila ahliha wa idha hak... wa idha... » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله إلي أوديوم إلي كليرفويوم. D'accord. Mais quand il a dit ça, il est rapporté par un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ce doigt là dans l'oreille comme ça et l'autre là et l'autre comme ça. سميعا بصيرا. C'est-à-dire il a montré son oreille par un doigt et l'œil par On peut accuser le prophète d'être assimilioniste. Mouchabbeh, il a montré, il a fait comme ça. Inna Allah kana sami'an basira. D'accord? Il est rapporté par un hadith authentique. On ne peut pas en cacher. Donc ça, c'est des confirmations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Confirmation du moine. Confirmation de l'esclave qui a été que le prophète il a jugé qu'elle est croyante. Parce qu'il a témoigné devant lui que Allah, il est au-dessus des cieux. Je dis en arabe le hadith, Ya Abu al-Qasim, Ubelliruka an Allah ta'ala yaj'alu al-khala'iqa ala isba', wal-samawati ala isba', wal-aradina ala isba', wal-shajara ala isba', wal-thara ala isba', wasa'ira al-khala'iqa ala isba', fayaqulu ana al-malik. Fadahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hatta badat nawajiduh, tasdiqan liqawli al-hibr, qala wa anzal Allah, wa ma qadru Allah haqqa qadrihi, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et c'est rapporté par le Bukhari dans le kitab Tafsir et dans le kitab Tawhid. Et c'est rapporté par l'imam Muslim dans le kitab Sifat al-Munafiqin. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Il n'y a rien à dire devant ces grands hommes. Hadith il est authentique. Là on rentre dans un point très important. Maintenant on attribue à Allah ce qui s'est attribué lui-même et ce que lui a attribué son prophète Allah. On ne devance pas, on ne transgresse pas le Coran et la Sunna. Maintenant un point très important. Min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri takyif wa la tamthil. Sans déformation et sans négation, sans s'interroger sur le comment des choses et sans recourir à des comparaisons. Ah, les quatre règles, ça si vous pouvez l'apprendre par cœur, sans déformation, en attribuant à Allah ce qui s'est attribué lui-même. Sans déformation, je vais expliquer ça chaque point, Inch'Allah. Sans déformation, sans négation, sans s'interroger sur le comment et des choses et sans recourir à des comparaisons. Alors, sans déformation, c'est-à-dire sans tahrif. Min ghayri tahrifin wa la ta'tilin, min ghayri takyifin wa la tamthil. Alors, sans déformation. Donc, la déformation, elle est de deux sortes. C'est, si vous voulez, falsification. Sans falsification. Elle est de deux sortes. Elle est soit une falsification textuelle, textuelle, et ça, les juifs et les chrétiens, ils ont changé. يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. D'accord? أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. Ils entendent la parole d'Allah et le falsifient textuellement, ils l'enlèvent le texte. Le résultat, on le voit devant nous. On le voit. Différents évangiles, différentes versions, des milliers de traductions différentes, des... pas de concordance entre deux. Des milliers d'exemplaires, deux Bibles qui ils se ressemblent. Oui. Subhanallah. Tout comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pareil. Celui des Juifs, ils ont tout falsifié dans le livre de la Genèse, le livre des poètes, le livre des Deutéronomes, tous les livres-là, falsification totale. Jusqu'à altérer, il reste certaines paroles qui sont vraies, mais la majorité, c'est des falsifications. Le harifoun al-kalima amma wa da'i, puis surat al-misa. Dans le verset 46. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Et là on est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et ils disent nous avions entendu mais nous avons désobéi. Mais finalement c'est pas le sens mais c'est une falsification du texte. D'accord, falsification du texte. Mais il y a aussi quoi? Le sens. Le texte on peut pas le toucher. إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. C'est nous qui avons descendu le livre et c'est nous qui les préservons. Alors personne ne peut toucher au texte. Il est clair. Le Coran, personne ne peut le toucher. N'importe qui ose changer un mot, ce n'est pas un alim qu'on va lui ramener, c'est un membre de 9 ans. Un membre de 9 ans. C'est une crise. S'il change un mot, il va lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'ajouter une lettre ou de diminuer une lettre? Hein? Alhamdulillah, tu dis Alhamdulillah, on dit Allah Ta'ala. C'est Alhamdou. Même le signe, même la voyelle. D'accord? Personne ne peut toucher. Donc, puisqu'on ne peut pas toucher le texte, on a accès à quoi? À la signification du mot. Le mot, il est là, mais le mot, comme on dit en arabe, al-alfazu qawalibu lil-ma'an. C'est-à-dire, le mot, il est un support de la signification. Mais c'est dans la signification qu'on peut détourner les gens. Dans la signification du mot. D'accord? Al-Rahman al-Arsh istawa. De tout miséricordieux, c'est établi, c'est élevé, c'est installé sur le trône. Ah, istawa. Ça ne veut dire que ça en arabe. La langue arabe pure, la langue de Quraysh, de Tamim, toutes les langues des tribus qui sont à côté, qui ne sortent pas de ça. C'est élevé, c'est établi, c'est installé. Sta'la, estaqarra, awa'ala. Comme a dit Ibn Abbas, comme a dit son grand élève Mujahid, radiallahu anhum jami'a. Les exégètes du Coran, les sahaba, comme ça qu'ils l'ont expliqué. Il s'est élevé. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il s'est élevé sur le trône. Alors, on n'a pas pu toucher au mot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a touché à la signification. On a dit stawa, ça veut dire dominer. Ils ont expliqué stawa par stawla. Ils ont ajouté un L. Bien sûr, ils ne peuvent pas ajouter le L dans le Coran. Ils ne peuvent pas. Mais ils disent non, ça veut dire stawla finalement. C'est-à-dire dominer le trône. Pourquoi ça? Pour nier qu'Allah est au-dessus des cieux, pour nier qu'Allah est au-dessus du trône. D'accord? Ça, c'est une sorte de déformation. On a déformé. Tout comme si on explique les mains par la puissance. Non, finalement, c'est pas les mains. C'est pas des vraies mains, non. Mais Allah, il a voulu dire la puissance. On va parler de ça. On va parler de ça. C'est une signification qui se retourne contre le texte pour l'annuler. D'accord? Hein? Toute chose... Toute signification qui se retourne contre le texte pour l'annuler, elle est nulle. On ne doit pas tenir... S'il explique les mains par la puissance pour finalement nier les mains, donc sa signification, elle est vaine, on ne doit pas tenir compte de sa signification. Hein? Donc, sans déformation, sans tahrif, bref, le tahrif, wala ta'til, sans négation, on ne nie ni ses noms ni ses attributs. Il a des noms. Elle a des attributs, on ne nie pas ses noms ni ses attributs. Par exemple, s'il dit Bel Yadin Huma Basutatan, on ne doit pas expliquer autre chose. Ses mains sont larges, ses mains. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدين هما بسوطتان ينصح كيف يشك. Je vais chercher la traduction du mot. Voilà, dans le verset 64. Et les juifs disent, la main d'Allah est fermée. que leurs propres mains soient fermées. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. La main d'Allah, ils ont dit la main d'Allah, elle est fermée. Rollat aydihim wa la'inu bima qalu. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Mais c'est des vraies mains. Ça veut dire que ces mains sont largement ouvertes, ça veut dire qu'ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent de sa miséricorde. D'accord? Mais c'est vrai, et ça, sans nier qu'il a des vraies mains. Sans qu'on compare à nous. Oui, mais je vais détailler, c'est-à-dire, moi, je point par point, ouais. Donc, sans déformation, sans négation. Il dit, non, les mains, c'est finalement ni'ma. Ça veut dire qu'Allah, il donne beaucoup. Ça veut dire que la générosité. Il a dit, bel yadah, wa basutatan. Ça veut dire la générosité. Et pourtant, c'était musanna, les deux mains. Allah, il a dit les deux mains. On va dire deux générosités. Comment on va expliquer ça? Il a deux mains. Bel yadah, musanna. Yadah, musanna. Deux. Parce qu'en arabe, il y a le singulier, les deux, et puis il y a le pluriel, ce qui dépasse les deux. Il y a des... Tu vas dire... Non, deux mains. Rien. Tout ça pour nier qu'il a deux mains. Ah, il est généreux. Non, il n'a pas de main, finalement. Il n'a pas de main, mais il est généreux. Pour retourner, pour nier l'attribut d'Allah qui est les mains. Non, mais on ne nie pas. On n'est pas des négationnistes. Et sans s'interroger sur le comment. On ne peut pas s'interroger sur le comment. Pourquoi on ne peut pas s'interroger sur le comment? Parce que c'est le raïd. Parce que c'est l'invisible. Comment? Allah, il descend, comment il descend? Il nous a informé comment il descend? Non. Une personne, il est venu. Comment il est venu? Il est venu en voiture. Comment il est la voiture? La voiture, elle est de cette marque, elle est ça, elle est ça. D'accord? On peut le dire. Parce qu'on le voit. Il est venu à pied, il est venu à cheval, il est venu par métro, il est venu comment? On connaît. Allah, comment il descend? Il nous a informé comment? Il nous a pas informé. Donc, on s'abstient de dire comment, quoi. D'accord? L'épreuve, c'est l'épreuve qu'on a dit, c'est-à-dire les deux versets précédents. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ الْأَرْضِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah, il interdit que vous dites sur lui ce que vous connaissez pas. Vous parlez du comment alors que vous ne le connaissez pas. D'accord? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne dis pas quelque chose que tu ne connais pas. Tu n'es pas au courant. Pourquoi tu commences à décrire, à dire comment il est comme ça, il est comme ça? Non. Alaykoum salam. Et donc, sans s'interroger sur le comment. Là, c'est tout. Et donc, Imam Malik, rahimahullah, سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le istawa, sur le trône istawa. Qu'est-ce istawa? Comment istawa? Comment? Il y a une personne qui est rentrée voir l'imam Malik, l'imam Udar al-Hijra, rahimahullah, il lui dit comment? Comment il s'est élevé? Comment istawa? فَأَطَرَقَ مَالِكٌ بِرَأْسِهِ حتى علاه العرق ثم رفع رأسه. Et l'imam Malik, il a rabaissé la tête comme ça. Et puis, il a été plein de sueur. Il a été plein de sueur à cause de cette question. Et puis, il a levé sa tête et il a dit Al-istiwa'u ghayru majhoul. Al-istiwa'u, il n'est pas inconnu. Il est connu. Mais là, je signale un point très important. Parce que même les autres sectes égarées, ils prennent ça, cette parole de l'imam Malik, comme preuve. Je vais faire la part des choses. Al-istiwa ghayru majhoul, c'est-à-dire l'istiwa, il n'est pas inconnu. Naam. Wal-kayf ghayru ma'qul. Le comment, il est irraisonnable. On ne peut pas. Il est incompréhensible. On ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le comprendre. D'accord? Wal-su'al 'anhu bid'ah. Imam Malik, c'est plus connu. C'est la version de l'imam Malik, elle est plus connue. Il a dit Al-istiwa'u ghayru majhoul. L'istiwa', il n'est pas inconnu. Qu'est-ce qui n'est pas inconnu? Donc on le connaît. On connaît quoi? La signification de l'istiwa'. On connaît, suivez bien, on connaît la signification. Istiwa', ça veut dire quoi? L'isti'la', le fait de s'élever. Donc c'est connu dans la langue arabe pure. Allah, il nous parle avec la langue arabe pure. Subhanallah. Donc, il est connu, il est bien précis dans la langue arabe pure. L'istiwa, c'est l'istiqrar. Quand istawa ala, ça ne veut dire que ça. Istawa ala, ça veut dire istala, ou istaqrar. Et donc, il est connu dans la langue arabe, et donc, c'est ça, ça veut dire le ulou, qu'il est au-dessus. Et walkey pour rire au le comment, il est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre, parce que la raison, il ne peut pas concevoir le comment. Le cerveau humain ne peut pas concevoir le comment. Wal-iman obihiwa, j'ai oublié de le dire, et la croyance, il faut y croire. Al-istiwa, il faut croire qu'Allah s'est élevé. Il est obligatoire. C'est un devoir. Wal-iman obihi, c'est un devoir. Lianna Allah akhbara an nafsi. Parce qu'Allah nous a informé de lui-même. Et il est obligé de juger que c'est véridique, il est obligé de continuer de reconnaître. Parce qu'Allah nous a informé qu'il est à l'âge, qu'il s'est élevé sur le trône. Pourquoi c'est une innovation de demander? Pourquoi? D'accord. Mais pourquoi c'est on innove quand on parle de ça? On innove parce que là où kana, comme disent les salafs, là où kana fihi khayran, la sabakouna ilayhi. S'il y avait du bien de demander, comment? Je crois que les compagnons l'auraient dit. Parce que les plus connaisseurs, c'est les plus connaisseurs du Coran, de la Sunna, c'est les plus connaisseurs du prophète. S'il y avait du bien dans cela, il aurait dit ça, il nous aurait précisé ça. S'il y avait du bien, parce que le prophète n'a laissé aucune chose qui... Tout ce qui est bien, le prophète nous a montré. Et tout ce qui est mauvais, le prophète nous a déconseillé, nous a demandé de l'éviter. Il n'a rien laissé. La religion, elle est complète. Donc, le comment, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis comment alors que eux, ils... Parce qu'eux, ils étaient capables de le dire. D'accord? Ils n'ont pas dit. Donc, le fait de dire, c'est une innovation. Parce que déjà, les compagnons sont les plus assidus, les plus accrochés à la science. Et s'il y avait un intérêt, un bien dans cette question, ils l'auraient dit. Ils l'auraient dit. Hein. Donc, j'ai dit, l'istiwa au ghayr majhoul. L'istiwa, il n'est pas inconnu. C'est-à-dire, sa signification, elle est connue dans le Coran. Elle est connue dans la langue arabe. D'accord? Et c'est là où il diverge. Là où les autres sectes, il va te dire ça. Il va te dire ce qu'il a mal expliqué. Mais quand il évoque l'istiwa au ghayr majhoul, il va te dire, ghayr majhoul, il dit qu'il est dans le Coran. Arrête. Qu'est-ce que c'est? L'istiwa, il n'est pas inconnu son évocation dans le Coran. C'est-à-dire, istiwa, il est évoqué. Le mot istiwa, il est évoqué. Ghayru majhoul. Mais non, c'est pas ça ce qu'a voulu dire l'imam Malik. Ghayru majhoul, c'est-à-dire, il n'est pas inconnu. On connaît la signification. Tu vois où ça diverge? Tu vois, avec un jeu de mots, on peut égarer. Avec un jeu de mots, on peut égarer déjà. Al-istiwa ou ghayru majhoul, yani ma'na. Mais il n'a pas besoin de dire ghayru majhoul, parce que la personne déjà, il a parlé de l'istiwa. D'où est-ce qu'il a sorti l'istiwa? Du Coran. Comment l'imam Malik va lui répondre? Il va dire ghayru majhoul, c'est-à-dire ça existe dans le Coran. C'est bête. Ghayru majhoul, ma'na. C'est sa signification, elle est connue. La signification, elle est connue. Par la langue arabe pure. Ils savent ce que ça veut dire, l'istiwa. Et ça ne veut dire que sta'la, wa'ala, wa staqarra, ce qui existe. Tu tournes chez les Arabes, tu transpires pour trouver une autre signification, tu ne peux pas la trouver. Bien sûr, ils ont pris ça d'un poème, mais je ne veux pas en parler pour l'instant. Donc, il s'interdit cette question. Oui, bien sûr. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que lui, eux ils cassent ce hadith. Ils le cassent. Par des méthodes qu'ils ont, de toute façon, ils cassent ce hadith. Et les sahah, mais eux, ils peuvent jouer pour détourner les gens. Hein, d'accord? Ils peuvent. Ils vont dire Moutarib et tout, les deux versions, il y a celle de l'imam Ahmed, etc. Et bien sûr, j'ai dit, min ghayr tahrif, wa la ta'til, wa la takyif, comment Allah est bien, comment Allah se met en colère. Il se met en colère comme nous, on rougit, et puis il y a une poussée d'adrénaline, et puis tu perds l'équilibre, et le cœur il bat. C'est comme ça, nous. Comment c'est comme ça, nous, la colère d'être humain. Hein, d'accord? l'être humain, quand il se réjouit, il peut voilà, danser, il peut pleurer même, il peut, on connaît le comment. Mais Allah ne nous a pas informé du comment. Et quand il s'agit de la colère d'Allah, c'est un attribut de perfection. C'est pas tout quand même. Des fois, la colère chez l'être humain, c'est un attribut de... un attribut de rabaissement, un attribut d'imperfection. Il perd l'équilibre, il ne se contrôle plus. Mais Allah, quand il se met en colère, c'est un attribut de perfection. Kamel, c'est pas tout kamel. Quand il se réjouit, c'est un attribut de perfection, ça c'est pas tout kamel. Parce que tous ces attributs d'Allah sont des attributs de perfection. Sans recourir à des comparaisons, à de dire qu'il ressemble à cette créature. D'accord, la preuve, quelle est la preuve? Laïsa kamit li hishay, la base de la, du dogme dans ce fait. Laïsa kamit li hishay, nul ne ressemble à lui. D'accord? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ah, ça, c'est le khabar. Il nous informe que laïsa kamit li hishay, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul ne ressemble à lui, nul n'est égal à lui, ni peut nul. D'accord? Il nous informe et même des fois il nous déconseille, il dit ne donnez pas à Allah des exemples ou des semblables. D'accord, pas là, tu as le il nous déconseille de ressembler à ces créatures. De ressembler à ces créatures. D'accord. Fala tadrabu lillahi l'amthal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala ibn Hammad al-Khuza'i. Ibn Hammad al-Khuza'i, c'est un cheikh, c'est un savant, c'est le professeur, c'est l'un des professeurs du shuyukh de l'imam al-Bukhari. Il a dit, man shabbaha Allah bi khalqin, faqad kafar. Celui qui ressemble à Allah à ses créatures, il est médecin. C'est rapporté par l'imam Lalikaï. Donc, pas de ressemblance, c'est un nom. Laïsa kamithli shay, lam yakul lahu kufuwan ahad, fala tadribu lillahi l'amthal, fala taj'alu lillahi andada. D'accord? Donc, nul ne ressemble à lui. Donc, c'est quatre points très importants. Min ghayri tahrif, wala ta'til. On n'est pas, on ne falsifie pas, on ne change pas le sens. On nie pas. On dit pas non, non, il descend pas, il est pas sur, il s'est pas élevé sur le tronc, il se met pas en colère, il se réjouit pas, il est pas ça, il est pas ça, il est pas ça, il est de blague. C'est pas dire négation sur négation sur négation. D'accord? Donc, voilà, t'appelles. Voilà, ce qui, sans se demander sur le comment. Voilà, t'appelles, c'est-à-dire sans le comparer à ses créatures. Les quatre bases fondamentales de Tawhid al-Sifat, Asma wa Sifat. فإنه أعلم. Là, j'évoque la parole de Ibn Taymiyyah dans l'Aqida al-Wasitiyya. فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Ibn Taymiyyah, quand il parle des phrases comme ça, ça dégage beaucoup de sens, ça dégage beaucoup de choses, c'est des réponses à beaucoup de sectes. Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît mieux que quiconque. Comme il connaît mieux que quiconque tout ce qui n'est pas lui, il est plus véridique en ses paroles et plus beau en ses discours que n'importe laquelle de ses créatures. Voilà, on pense aux philosophes ou n'importe qui vont chercher des mots ou des phrases plus éloquentes pour attribuer à Allah, pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler d'Allah. Non, non, non, tout vient d'Allah. Il est plus beau dans ses discours. Il est plus connaissant. Quelqu'un peut se permettre de dire, moi je suis connaisseur, moi aussi je connais. Connaît des choses sur Allah. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المدلين عدلا. Je n'ai pas pris les égarés pour aide. Subhanallah. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. Je ne les ai pas montré comment j'ai créé les cieux et la terre. ولا خلق أنفسهم. Même leurs propres, comment ils se sont créés eux-mêmes. Ils n'ont pas vu leur propre création. Comment ils se sont créés eux-mêmes. Et je n'ai pas pris les égarés pour aller. Ils n'ont pas aidé, ils n'étaient pas présents quand j'ai créé les cieux et la terre. Alors comment ils vont être capables de parler de moi ou de m'attribuer certaines choses que je ne me suis pas attribué moi-même. Allah il parle de lui, subhanahu wa ta'ala. Ma achatum khalqa samawati wal ardu, wala khalqa anfusihim, wala kuntum muttakhidha al-mudillina adla.